Chapitre 9. L'industrie. Nous avons vu Concarneau figurer dans divers traités entre la Bretagne et l'Angleterre ou la France, mais il semble que c'est à titre de forteresse plutôt que de port. Le chanoine Moreau nous a dit que son entrée était difficile, le Havre peu sûr et les eaux peu profondes. En 1636, Dubuisson nous apprend qu'il vient à Concarneau peu de vaisseaux, lisez navires. Il ajoute que le trafic de vins et blés y est petit. Sur le port, il donne un renseignement que nous dirons plus loin. Ces renseignements pouvaient être exacts au temps où l'un et l'autre écrivaient. Mais vers le milieu du XVIIIe siècle, l'entrée avait été améliorée. Il avait été construit des quais, deux cales, une digue, entre la pointe du rocher de Pénéroff et le coteau voisin. Après ces travaux accomplis, l'auteur des essais sur Concarneau pouvait écrire « Le port présente un accès facile à toutes sortes de navigations et même à des bâtiments du roi qui souvent y relâchent, surtout en temps de guerre. Dans celle de 1744, on y a vu 300 navires. » L'auteur, qui habitait Concarneau, nous montre ainsi un port de refuge plutôt qu'un port recevant des navires, non au long cours, mais même au cabotage. Plus loin, il nous renseignera sur Concarneau, port de pêche. Auger, écrivant vers le même temps, ne dira qu'un mot du port qu'il admire. Le port est très beau. Cambry formule quelques critiques. Le port peut contenir 300 barques et quelques bâtiments de 5 à 6 tonneaux. On devrait terminer les quais, effectuer des curages, faire sauter la roche de Penrhos, etc. J'ai copié plus haut cette phrase de Dubuisson. Au sud, un môle rompt les houles et les coups de mer et conserve une longue courtine en arc, entre deux tours ou plateformes. Les deux tours dont parle Dubuisson sont vers l'ouest la tour à gauche de la porte principale et à l'est la tour dite du fer à cheval à la pointe du petit château. Entre les deux est le port que la jetée protège au sud. Cette jetée a été reconstruite en 1808 telle qu'elle est aujourd'hui. C'est à la mer que Conques a dû son importance militaire que Concarneau n'a plus, et ce qui vaut mieux, son aisance et sa prospérité que la ville gardera. Nous avons vu au XVe et XVIe siècle le revenu des pêcheries ducales de Cornouailles figurant dans des comptes de 1429, 1501, 1534, pour des sommes représentant aujourd'hui au moins 51 000, 60 000 et 55 000 francs. Nous avons fait remarquer que par pêcherie ducale de Cornouailles, il faut comprendre les pêcheries comprises entre l'entrée de Quimperlé et l'entrée de l'Audet, et nous avons dit que Concarneau était le port principal de ce rivage. Ces chiffres montrent l'importance qu'avait alors, au voisinage de Concarneau, la pêche et la sécherie du Congre, de la Merlue, du Lieu et même de la Morue, avant la découverte ou l'exploitation du banc de Terre-Neuve. Mais la sardine était déjà pour quelque chose dans cette prospérité. Nous avons de ce fait une preuve certaine. Au XVe siècle, des pêcheurs de Douarnenez contribuent à l'édification de l'église de Plouaret, alors paroisse de Douarnenez, et sur quelques pierres de sa façade, ils font sculpter des poissons qui semblent des sardines, comme pour montrer que l'argent qui paie ces pierres est le produit de la pêche. D'autres pierres montrent le goéland planant sur des bancs de sardines. Ainsi, au XVe et XVIe siècle, comme aujourd'hui, le goéland pêchait la sardine. Qui douterait qu'alors, comme aujourd'hui, l'homme ne lui en disputât sa part, et sa large part. Or, à l'époque comme de nos jours, pour entrer dans la baie de Douarnenez, la sardine passait devant Concarneau. Nous avons lu le chanoine Moreau écrivant au début du XVIIe siècle que Concarneau, village de pêcheurs, un siècle et demi auparavant, est une petite ville peuplée en partie d'habitants enrichis par le commerce de la mer, c'est-à-dire par la pêche. Voilà le progrès pacifique, accompli depuis 150 ans. Les fils des modestes pêcheurs d'autrefois ont ajouté à l'héritage de leur père le fruit de leur propre travail, et ils ont l'aisance. Cet heureux mouvement ne s'arrêtera pas. Au milieu du XVIIIe siècle, la pêche et l'industrie de la sardine étaient en pleine prospérité. Les États de Bretagne se montraient jaloux de donner à cette industrie une impulsion nouvelle. Et quand ils encourageaient la pêche, ils n'avaient pas seulement en vue l'intérêt particulier, mais aussi l'intérêt public. La Société d'agriculture et du commerce, établie par les États, nous renseigne sur la pêche de la sardine. On en fait monter le produit à plus de 2 millions. Le Croisic, qui n'y emploie que 30 bateaux, en retire au moins 20 000 écus ou 60 000 livres chaque année. La pêche de la sardine à Port-Louis produit, année commune, 400 000 livres. Celle de Belle-Île et de Concarneau n'est pas moins considérable. Et l'on pêche avec le même succès à Douarnenez et à Camaret. Le Port-Louis seul occupe 1300 pêcheurs et fait subsister plus de 1800 personnes employées aux salaisons. Disons que les chiffres écrits plus haut, 2 millions, 60 000 et 400 000 livres, représentent plus de 4 360 000, 130 000, 872 000 francs de nos jours. Moins de 20 ans après, Auger mentionnait la pêche de la sardine, mais sans aucun détail. Par bonheur, vers le même temps, nous trouvons des renseignements certains dans les essais sur Concarneau. Le commerce principal de Concarneau est celui de la pêche de la sardine, qui se fait par plus de 300 chaloupes, équipées chacune d'environ 4 hommes, et qui par la suite deviennent de très bons marins, propres pour le service des vaisseaux du roi. Cette pêche y attire tous les ans plusieurs Norvégiens qui y viennent vendre des cargaisons de rogue et vont ensuite à l'île de Ré en convertir le produit en sel et eau-de-vie. Indépendamment des chargements journaliers qu'on fait de ce poisson pour divers ports de l'océan, on en fait quelquefois pour ceux de Marseille et de Sète. D'ailleurs, quantité de petits bâtiments de la rivière de Charente viennent tous les ans en chercher pour approvisionner la Saintonge et l'Angoumois. Enfin, cette pêche nourrit une infinité d'individus. Les hommes font la pêche, les femmes et les filles salent le poisson, et les enfants font les filets. Vers le même temps, vint en Cornouailles un voyageur qui, depuis 17 ans, courait le monde, faisant, dit-il, 2000 lieues à pied, sans compter les routes par eau, à cheval ou en voiture. Il vint une première fois à Douarnenez en 1775. Il y est le 30 septembre et il célèbre le mouvement du port pendant la pêche de la sardine, lorsque 500 à 600 bateaux, tant de Douarnenez que de Crozon, couvrent journellement cette vaste et magnifique baie. En 1785, notre voyageur revient en Bretagne. Il est à Concarneau le 3 mai, en pleine pêche. Or, il se contente de dire de Concarneau « petit port assez joli ». De l'activité de la ville, de sa flottille de pêche qu'il a vue sous voilée, pas un mot. C'est que sans doute il voit en Concarneau le rival de Douarnenez. Or, il est gros actionnaire dans une pêcherie de Douarnenez. Et s'il pêche beaucoup, il gagne peu d'argent en courant de grands risques. Il écrit « Il ne manque à notre établissement que de donner des bénéfices. Il y a trop de mains à employer, trop d'avances à faire. Et puis, quand le poisson est prêt, on l'envoie à Nantes ou à Bordeaux à des commissionnaires qui s'appliquent le profit et ne vous présentent que des pertes. » Les millions dont parlait la Société d'agriculture en 1761 étaient-ils ainsi surtout pour les commissionnaires? Quoi qu'il en soit, retenons ce que dit la Société du succès de la pêche égale à Douarnenez et à Concarneau, et concluons qu'elle était prospère dans les deux ports. On aurait pu croire que les orages de la fin du siècle auraient ruiné cette prospérité. Toutefois, Cambry, écrivant en 1794, nous montre une situation analogue à celle de 1775-1780. Il mentionne environ 300 chaloupes pêchant annuellement 12 à 15 000 barils, sans y comprendre 7 à 8 000 barils de sardines enchouattées, ni même, à ce qu'il semble, le poisson expédié comme sardines fraîches. Les chasses marées de la côte de Vannes en enlèvent une égale quantité pour les porter à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux. Et ajoute-t-il, des chevaux la transportent dans l'intérieur des terres. Mais pendant les guerres de l'Empire, les croisières anglaises, maîtresses de nos mers, allaient paralyser la pêche. Après la paix, quand Concarneau ne vit plus une voile ennemie sur l'horizon bleuâtre de sa mer, il se remit joyeusement à la pêche. L'industrie reprit vite l'essor, et lorsque vers le milieu du XIXe siècle, en même temps que l'on continuait la presse de la sardine, on imagina la friture. L'industrie sardinière atteignit un degré de prospérité jusque-là inconnu. Il semble que le mouvement de l'industrie sardinière marque depuis plus d'un siècle le mouvement de la population. Vers 1775, Auger portait à 1700 le chiffre des habitants de Concarneau. Et on peut s'en rapporter à son dire, puisqu'il tenait ce renseignement du maire de la ville. Ce chiffre admis, il faudra admettre que les guerres de la République et de l'Empire, en frappant l'industrie, ont apporté un obstacle fatal au développement de la population. En preuve, voyez le recensement officiel de 1837, Concarneau ne figure pas au nombre des communes ayant au moins 1500 habitants. C'est une diminution de plus de 200 sur le chiffre donné par Roger, soit un septième. Acceptons le chiffre maximum de 1499 en 1837. 25 ans après, le recensement publié en 1862 donne le chiffre de 2658. Et le recensement publié 20 ans plus tard, en 1882, donne celui de 5006, 4 fois le nombre des habitants de 1837, 45 ans auparavant. On a fait honneur du progrès constaté entre 1862 et 1882 au chemin de fer de Lorient à Quimper, ouvert en 1864. Et on a cru pouvoir se promettre que l'ouverture d'une voie ferrée entre Rospordin et Concarneau allait déterminer un mouvement analogue. Or, l'événement a trompé l'attente, les recensements en font foi, la population a augmenté seulement de 16 unités entre 1882 et 1886. C'est dire que le nombre des habitants a été stationnaire pendant cette période. Comment expliquer ce fait ? C'est que les années 1880 à 1886, sauf pourtant 1883, ont été désastreuses pour la pêche, comme l'ont été depuis les années 1902 et 1903. Personne ne songe à nier que la voie ferrée ne soit un élément de prospérité. Mais il y a un autre facteur de cette prospérité que, s'il pouvait élever la voie, réclamerait une part dans l'heureuse situation de Concarneau. C'est la sardine. C'est elle qui, avant l'ouverture des voies ferrées, je dis plus, au temps où n'existaient que des voies à peine carrossables, a commencé la prospérité de l'industrieuse ville. C'est la sardine qui peut assurer cette prospérité. Et le chemin de fer a besoin de la sardine pour accomplir l'œuvre qu'on attendait de lui en 1883. On l'a bien vu vers cette époque. En 1884-86, quand la sardine a manqué, les wagons emportaient moins de sardines à Rospordin que n'en avaient porté les charrettes dans les années abondantes de 1862 à 1879. Et pourtant, quand la sardine manqua en 1882, apparut un petit poisson nommé Sprat. Aspirait-il à remplacer la sardine ? Son ambition a été déçue, il n'a pas obtenu et il ne devait pas obtenir une égale faveur. Ajoutons qu'en 1891, une année où la sardine ordinaire était rare, un autre poisson apparut, dite petite sardine. En terminant, faisons des vœux pour que sardine, sprat et petite sardine restent désormais fidèles à ces côtes privilégiées et daigne se faire pêcher chaque année dans la baie verdoyante de la forêt. Un dernier mot. Le 27 février 1899, les remparts de Concarneau ont été, et très justement, classés parmi les monuments historiques. Le 25 septembre 1902, la ville les a payés au domaine la somme de 12 000 francs, et son premier acte de propriétaire a été la reconstruction d'un pan de mur écroulé. Concarneau a été mieux inspiré que tant d'autres villes, détruisant sans nécessité des tours qui furent leur défense et qui restaient leurs ornements. Honneur à Concarneau ! Additions et corrections à l'essai sur Concarneau, publié au bulletin de 1907. 1. Duquesne et le Moreau. Page 73. Moreau avait été acquis par l'illustre Duquesne en 1651. Il s'y fixa et y demeura environ 10 ans. Duquesne venait d'épouser en 1650 ou 1651 Gabrielle de Bernière, catholique, qui abjura pour s'allier aux calvinistes. Le 30 mai 1666, Gabrielle de Bernière, compagne de Messire Abraham Duquesne, seigneur de Moreau, vice-amiral de l'armée du roi au Ponant, est marraine par procuration à Concarneau. Le 5 septembre suivant, elle est de nouveau marraine avec Messire Jean de Châteauneuf, capitaine de Champagne, commandant de Concarneau, parrain par procuration. Même page, il avait vendu le Moreau à N, le Perrier de Salvaire. Le vendeur était Abraham, quatrième et plus jeune fils de Duquesne. L'acquéreur est dit Antoine Alexis de Perrier de Salvaire, seigneur de Moreau et chevalier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du roi. Acte d'inhumation d'un enfant, Concarneau, 18 mai 1741. 2. Les Girondins dans le Finistère. Page 87. Après la déroute de Passy-sur-Eure, plusieurs Girondins cherchèrent asile en Bretagne avec le Guaiseret de Kervélégan. Ils échappèrent aux recherches et purent s'embarquer à Concarneau pour Bordeaux. 1. Le Goëzeray ne les accompagnait pas, il était avant eux dans le Finistère. 2. L'un d'eux, Giroux, de l'Eure-et-Loir, fut arrêté au Helgoat le 5 pluvieux aux Andes, 25 janvier 1794, et incarcéré au château de Brest. 3. Aucun des fugitifs ne s'embarqua à Concarneau. Les uns prirent la mer à Lanvéoc, au fond de la rade de Brest. Ils s'embarquaient sur l'Industrie, patron Granger. Celui-ci fut pour ce fait condamné à mort par la commission militaire siégeant à Bordeaux, le 5 frimaire en 2, 25 novembre 1793. Les autres s'embarquèrent sur le sloop La Diligente, patron Scanvic de Concarneau. Le 21 avril 1793, à la nuit, ils partirent de Rousselienne, commune de Plomelin, dans la rivière de Quimper. Rousselien appartenait à Souchet de la Brémaudière, commandant du bataillon des fédérés du Finistère. Page 88. Un patron de barque nommé Scanvic avait porté des Girondins à Bordeaux. Comme il rentrait à Concarneau, ses papiers de bord furent saisis. Le 18 juillet 1793, Scanvic fut arrêté. Traduit au tribunal criminel et acquitté, il rentra à Concarneau. Voilà les renseignements qu'on me donnait comme certains. Voici la vérité. Scanvic ne fut pas arrêté le 18 juillet 1793, comme on l'a écrit par inadvertance, puisque ce jour, 5 jours après la défaite de Passy, les Girondins n'étaient pas encore dans le Finistère. Scanvic ne les embarqua que le 21 août. Il lui fallait le temps d'aller à Bordeaux et de revenir. Il fut arrêté vers le milieu d'octobre. 18 juillet aura été imprimé au lieu de 18 octobre. Scanvic comparut non devant le tribunal criminel siégeant à Quimper, mais devant le tribunal révolutionnaire établi à Brest par arrêté des représentants en mission le 17 pluvieux en 2, 5 février 1794. Déclaré non coupable par le jury, il ne rentra pas à Concarneau, le jugement du tribunal portant qu'il resterait renfermé jusqu'à la paix, vu la grande suspicion qui pesait sur lui d'après les débats. Acquitté le 19 Thermidor en 2, 6 août 1794, il était encore détenu le 1er janvier 1795. 3. Vauban et la fortification de Concarneau. Page 172. Si les travaux ordonnés par Vauban ont été accomplis comme on l'a écrit en 1680, Vauban a pu voir son œuvre achevée car, en 1694, il est venu défendre Brest et au retour, il s'arrêta à Quimper où il passait une revue le 7 juin. L'énoncé de ces deux faits, les travaux de 1680, la défense de Brest avant juin 1694, appelle une double rectification. Je reprends d'abord le second fait, je reviendrai après au premier. 1. J'ai écrit en note que Vauban venait inspecter Brest en 1694 et qu'il y arriva très à propos pour le défendre contre une flotte anglo-hollandaise qui opéra une descente près de Camaret. L'ordre des faits ainsi présenté est interverti. Le 7 juin 1694, Vauban était à Quimper où il passait une revue du banc et arrière-banc de Cornouailles. Il en partit pour Brest où il arriva fort à propos. Une flotte anglo-hollandaise parut en vue. Le 16 juin, elle mouillait aux abords de Camaret. Le 17, elle débarquait dans une anse voisine. Vauban accourut, les batteries voisines ouvrant le feu contre les premières troupes débarquées les mirent en désordre. Les gardes marines les assaillirent à la baïonnette. La mer baissa, laissant les chaloupes à sec. Beaucoup d'ennemis furent faits prisonniers, d'autres massacrés par les paysans descendus sur le rivage, et sans rien tenter de plus, la flotte reprit la mer. On le voit, Vauban, avant d'aller à Brest, avait passé à Quimper. Il y a quelque apparence que c'est à ce moment qu'il visita Concarneau. 2. J'imprimais avec hésitation la date de 1680, assignée à de grands travaux exécutés par Vauban à Concarneau. Plusieurs pièces empruntées au ministère de la guerre et une lettre de Vauban lui-même vont démentir cette date. En 1680, Vauban fut chargé de fortifier Brest, devenu un grand port de guerre. Il serait surprenant que, venu à Brest cette année même, il n'eût pas visité Concarneau. Toutefois, les premières pièces concernant cette place, où se trouve la signature de Vauban, sont postérieures de plusieurs années. Les voici. Premièrement, de 1691, mémoire et projet pour améliorer la place de Concarneau, signé Langlade, approuvé par Vauban, avec deux croquis de Tours. Deuxièmement, de 1694, état des ouvrages les plus pressés à faire à Concarneau, avec plan, signé de Vauban. Il semblerait que le projet approuvé par Vauban en 1691 est resté sans aucune exécution. En 1694, après 3 ans passés et sa visite des lieux, il reprend ses propositions en les réduisant au plus pressé. Une année passe, Vauban n'a sans doute rien obtenu puisque le 16 août 1695, il écrit au ministre la lettre que voici. À Brest, le 15 août 1695, il y a bien un gouverneur à Concarneau, pourvu du roi, mais il n'y a ni lieutenant du roi, ni major, ni garde-magasin, ni point d'autre officier de place, si ce n'est un pauvre vieux soldat ou tout au plus lieutenant de cette garnison à qui le gouverneur donnait ci-devant 100 livres pour faire les fonctions de major. Il n'est pourvu que de monsieur le maréchal d'Estrées quand il commandait dans le pays. Il est nécessaire d'y créer des officiers, du moins un major et un garde-magasin, car on ne sait qui charger des munitions qui sont là. Je vous en enverrai un plan au premier jour afin de vous en faire connaître la conséquence, car cette place est oubliée en toute façon. Le mémoire et le plan annoncé par cette lettre ne se retrouvent pas. Les observations de Vauban n'eurent pas plus de succès que ses projets de 1691 et 1694. Nous trouvons la preuve de ce fait dans un mémoire postérieur de 7 années. À cette époque, Concarneau est encore la place oubliée de toute façon, que Vauban voudrait fortifier et organiser. Vauban demandait la création au moins d'un major et d'un garde-magasin. Cette seconde nomination a été faite, mais le major est encore le pauvre vieux soldat, ou tout au plus lieutenant, dont Vauban parlait un peu cavalièrement. Dans une lettre au ministre du 4 décembre 1702, ce modeste et dévoué serviteur rappelle que le maréchal d'Estrées l'a nommé au poste qu'il occupe, eu égard au service qu'il a rendu tant par terre que par mer, et il signe de la Serpaudet le mémoire qu'il adresse au ministre. Les détails dans lesquels entre le major auraient pu peut-être dû être portés au commandant militaire suppléant le gouverneur de Bretagne. On pourrait croire que M. de la Serpaudet a voulu se donner une fois l'honneur d'écrire au ministre. Ne nous en plaignons pas, adressé au commandant militaire, son mémoire eût été perdu pour nous. Or, le major, croyant de son devoir d'informer le ministre de l'état pitoyable de la place, donne sur la ville de très intéressants renseignements. Et il parle un peu de tout pour démontrer la nécessité de repeupler la ville close afin de lui donner plus de défenseurs en temps de guerre. Nous laissons de côté cette partie du mémoire pour en venir aux constatations militaires par lesquelles il finit. La ceinture des murailles est très considérable et sans défense, les canons étant hors de service, n'y ayant que peu d'affûts qui sont pourris. Il n'y a d'ailleurs aucune garnison. Quelques ingénieurs ont fait quelques petits légers travaux de très peu de valeur et sans durée. Toutes les embrasures tombent en ruine. Cette place mérite d'être conservée et les ennemis pourront fort facilement s'en rendre maître. Voilà les doléances que le major de la place fait entendre au ministre 7 ans après le passage de Vauban, 4 décembre 1702. Or, au temps où le major exprime ainsi ses craintes, la guerre dite de la succession d'Espagne est commencée et la grande alliance contre la France est formée entre Anglais, Hollandais, Prussiens, Hanovriens et Autrichiens. 6 mois plus tard, la situation est la même. C'est ce que révèle une lettre du 2 mai 1704 adressée au commandant militaire, le maréchal de Château-Renaud. Elle annonce un sérieux danger. Il y a quelques jours, un bâtiment relâcha dans le bassin de la place sous prétexte de se reposer. Il y resta 3 jours. C'était un espion. Il y a plusieurs courriers, corsaires, dans cette mer. Il y a 6 mois que monsieur le gouverneur est absent et le canon n'est point en état. La place est presque déserte. Nommé le 26 avril, 8 jours avant la date de cette lettre, le commandant militaire n'était sans doute pas à Rennes pour la recevoir, mais il a dû la lire plus tard. Qu'a-t-il fait en faveur de Concarneau? Voici, je crois, une réponse à cette question. Elle est donnée dans une lettre adressée de Port-Louis le 15 septembre 1710, au commandant militaire qui est encore le maréchal de Château-Renaud. Voici cette lettre, écrite selon toute apparence par un ingénieur. « Monseigneur, pour la sûreté et le bien du service de Sa Majesté, il sera très important d'envoyer deux compagnies à Concarneau, une jolie ville fortifiée, très bonne, où il y a du canon. Les ennemis sont journellement dans le voisinage. S'il faisoit nuitamment une descente de 100 hommes, ils se saisiront de Concarneau, où ils travailleront. Ils se couvriront par mer, et il sera très difficile de les enchasser, attendu qu'il faudroit un siège, et ce sera une diversion des troupes de Sa Majesté. Il sera besoin aussi d'envoyer un homme rétablir le dedans de la ville que l'on a ruiné, démoli, emporté les matériaux. On a laissé les habitants bâtir en dehors et couvrir la porte de la ville. Il faudra mettre un homme qui eut autorité, celui qui y est étant un homme peu capable. Je me trouve obligé, Monseigneur, de vous rendre compte d'une chose d'une si grande conséquence au service du roi. » Ainsi voilà pour Concarneau une situation nouvelle. Il y a 15 ans, en 1695, Vauban poursuivait un double projet, fortifier la ville, y créer des officiers commandant une garnison. Il est mort le 30 mars 1707. S'il vivait encore, il verrait la ville fortifiée. On peut presque dire trop bien fortifiée, puisque n'étant pas gardée, elle est à la merci d'un coup de main, auquel par la nuit 100 hommes suffiraient, et que pour la reprendre, il faudrait un siège et une armée. Or, en ce moment même, les frontières du Nord et du Midi sont violées. Les alliés sont en France maîtres de Douai et de Béthune, et la paix ne se fera qu'après plus de 2 années. Paix d'Utrecht, 11 avril 1713. 4. Dernier gouverneur de Concarneau. Page 175. Nous avons donné une liste des capitaines puis gouverneurs de Concarneau jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Nous pouvons remarquer que nous sommes plus sûrement renseignés sur les nominations des capitaines des siècles précédents que sur ceux des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour cette dernière époque, nous cherchons en vain les nominations, les provisions comme on disait alors. Les registres de l'état civil de Concarneau nous ont à peu près seuls fourni les noms des gouverneurs, mais dans ces actes, quelques officiers apparaissent sous des titres pouvant induire en erreur. Ainsi, il nous est arrivé de prendre au sens de gouverneur les mots « commandant pour Sa Majesté des villes et châteaux de Concarneau ». Mais mieux renseignés, nous savons que le mot « commandant » se disait de l'officier qui avait le commandement militaire sans être gouverneur, mais seulement lieutenant du gouverneur ou simple major. À cette époque, le mot « commandant » est l'expression d'une situation de fait, et il n'est pas un titre comme le mot « commandant de place » employé dans le XIXe siècle. Ce point admis, c'est par erreur que j'ai élevé au rang de gouverneur 2 officiers dits « commandants ». Je les indiquerai plus loin. Mais voici une autre difficulté. Plusieurs sont dits « gouverneurs » qui n'étaient que lieutenants. Ils se sont complaisamment laissés donner ce titre. Je ne veux pas supposer qu'ils l'aient pris par vanité. Mais, complaisance ou vanité, la cause d'erreur est pour nous la même. Ces observations faites, je vais reprendre la liste des gouverneurs à Christophe Fouquet. Je puis compléter et je dois corriger quelques phrases. Page 177. Christophe Fouquet, seigneur de Chalin, conseiller du roi, président au Parlement de Bretagne, gouverneur de Concarneau, provision du 15 avril 1646, serment du 13 septembre 1646, enregistrement au registre de la communauté le 5 décembre. Il nomme le 17 novembre 1651 un fils de son lieutenant, Jean de Montlouis. La marraine et demoiselle Françoise-Marie Dubois-Gueuneuc, fort jeune alors, et qui en 1652 est marraine avec un fils du gouverneur. Dans cet acte et dans un autre de 1656, elle est dite fille d'honneur de la reine. 24 ans plus tard, le 26 mai 1675, Christophe Fouquet, entré dans sa 78e année, veuf depuis plus d'un an, père d'enfants ayant passé la quarantaine, épouse Mademoiselle Dubois-Gueuneuc, qui laisse veuve la même année. Même page 202, j'ai écrit « Le président, Fouquet de Chalin, eut pour successeur Pierre de Regnault, seigneur des Landes, commandant, c'est-à-dire gouverneur, de Concarneau. » Erreur. Pierre de Regnault, dit commandant pour Sa Majesté des villes et châteaux de Conques, dans un acte de baptême du 20 janvier 1659, où il est parrain, était sans doute lieutenant en l'absence du président Fouquet. Le successeur du président fut son fils nommé François. Dès 1661, registre de Concarneau, il est qualifié commandant pour le roi à Concarneau. Et dans son acte de mariage, Saint-Étienne de Rennes, 22 juin 1664, il est dit gouverneur de la ville et château de Concarneau. Le président a-t-il gardé le gouvernement jusqu'à sa mort, en 1675, auquel cas son fils, comme il arrivait quelquefois, lui aurait été associé? Au contraire, s'est-il démis en 1664 pour laisser la place à son fils? Cette seconde hypothèse est très probable. On peut même ajouter que François Fouquet ne garda pas longtemps sa charge. Dès juillet 1661, nous voyons apparaître François de Vaucouleurs, commandant pour le roi à Conques et lieutenant général de l'artillerie. Il est parrain le 19 septembre de cette année. Dans un acte du 16 mai 1663, le même est qualifié gouverneur. Qu'est-ce à dire? Nous avons vu le même titre donné l'année suivante, 1664, à François Fouquet. De deux choses l'une, ou bien le titre est donné par continuation, par réminiscence à François Fouquet, ou par anticipation à Vaucouleurs. Mais, en 1666, François de Vaucouleurs était bien gouverneur, puisque, le 5 septembre de cette année, nous voyons un commandant auprès de lui à Concarneau. François de Vaucouleurs, avec le même titre, est nommé à des actes de baptême en 1666, 67, 68, 70. C'est la preuve qu'il résida souvent à Concarneau. Il aimait cette ville et il en garda le souvenir en donnant à son fils le nom de Guénolé, vocable de l'ancien prieuré dont l'église était alors l'église Tréviale et est aujourd'hui l'église paroissiale de Concarneau. François de Vaucouleurs vécut jusqu'à 1685. Plusieurs années auparavant, il avait cédé le gouvernement à son fils, François Guénolé. Celui-ci a le titre de gouverneur dans des actes de baptême, dont le premier du 30 juillet 1680 et les autres de 1692, 96 et jusqu'à 1704. On peut conclure de là qu'il avait abandonné sa charge, ou du moins la résidence de Concarneau. Il mourut en 1708. Le 21 décembre 1711, messire Gédéon Joseph Leget de Kerdaniel, lieutenant des vaisseaux du roi, capitaine d'une compagnie franche de marine, capitaine général garde-côte de Saint-Paul-de-Léon et de Roscoff, et lieutenant pour le roi, Aisseville et château de Concarneau, faisait baptiser un fils à Concarneau. Il est à remarquer qu'après François Guénolé de Vaucouleurs, en 1704, les registres de l'état civil à Concarneau ne font pendant la première moitié du XVIIIe siècle aucune mention de gouverneur. Il est permis de croire que la charge n'a pas été remplie jusqu'à 1754, année où fut nommé M. Le Lagadec, que nous avons mentionné. Essai, page 179. Page 178 et 179, nous avons dit que M. Le Lagadec, nommé en 1754, est le dernier gouverneur de Concarneau figurant à l'état militaire. Son nom s'y trouve encore en 1776, mais non en 1777, bien qu'il ait gardé sa charge jusqu'en 1782. À cette date, son fils, avons-nous dit, devint acquéreur du gouvernement qui, de militaire qu'il était aux mains du père, fut municipal entre les mains du fils. Voici comment s'explique ce changement de rédaction. L'état militaire de 1776 donne un résumé de l'ordonnance du 18 mars de cette année portant suppression par extinction des charges de gouverneur en nombre de places, notamment à Concarneau. On lit dans l'ordonnance « L'exécution de ces dispositions, la suppression, sera suspendue tant que seront pourvus les titulaires actuels et même les survivanciers des offices supprimés. » Et encore, l'ordonnance n'a pour objet que les gouvernements militaires et n'innove en rien aux gouvernements et lieutenances du roi créés en finance en 1766. Voilà comment le Lagadec fils put, après la mort ou démission de son père, acquérir en 1782 le gouvernement devenu non militaire ou municipal et comment, à ce titre, son nom ne figure pas à l'état militaire. 5. Jean de Montlouis et Jacob Duquesne. Page 177. En 1652, Jean de Montlouis, lieutenant du gouverneur, président Fouquet de Chalin non résident, recevait du duc de Vendôme, grand maître de la marine, l'ordre daté du 31 juillet de donner aux sieurs de la Giclée, des Ardins et des Turelles toute aide et assistance pour l'exécution des ordres dont ils étaient porteurs et de ne souffrir aucunement dans le port de Concarneau le nommé Jacob Duquesne, ni même le vaisseau qu'il monte, le Neptune. Je me demandais quelle était l'affaire nécessitant un ordre donné directement par le surintendant de la marine au lieutenant du gouverneur à Concarneau. Voici une explication très plausible. À ce moment, la Fronde avait quelques succès, et l'Espagne profitait des troubles de France pour s'emparer des places maritimes, par exemple Gravelines, le 18 mai. Le 3 juillet, Condé était vaincu au faubourg Saint-Antoine, mais Paris lui ouvrait ses portes, et le 20 juillet, le Parlement le déclarait généralissime. Dans le même temps, la flotte aux ordres de Louis Foucault, comte du Dognon, avait la surveillance des côtes de Bordeaux à Concarneau. Il prenait parti pour la Fronde, et des équipages se révoltaient contre les capitaines restés fidèles au service du roi. Nul doute que les ordres donnés aux sieurs de la Giclée et autres n'eussent trait à cette affaire. En ce qui concerne Jacob Duquesne, il est clair qu'on le traitait en suspect. Méritait-il ce soupçon? Jacob était le plus jeune frère de l'illustre Abraham Duquesne. Celui-ci avait passé 4 ans au service de la Suède, 1632-1636. Il y fut chargé d'une mission en 1647. Son frère Jacob l'accompagna, et l'ambassadeur de France en Suède le recommandait au ministre des Affaires étrangères, Loménie de Brienne, comme merveilleusement actif et diligent et fort homme de bien. D'autre part, son frère Abraham lui donnait l'exemple de la fidélité au service du roi. Mais en 1652, Abraham Duquesne se tenait au Moreau, qu'il avait acheté l'année précédente, et qu'il devait habiter pendant 10 années. Il semble bien qu'en expédiant d'urgence cet ordre à Concarneau, le surintendant de la marine voulait empêcher la réunion des deux frères. Peut-être, en ce moment de trouble, leur calvinisme les rendait-il suspects, mais très injustement. 6. Un mot sur les Glénans. Au XVIIIe siècle, toutes les petites îles, ou mieux les îlots, des côtes de Bretagne, avaient quelques fortifications et recevaient une garnison au moins en temps de guerre. Ainsi, dans l'océan Dumay en avant de Guérande, Watt et Wédic, un peu vers l'ouest, entre le continent et Belle-Île, les Glénans en avant de Concarneau, et dans la Manche, les 7 îles, au canton de Perros-Guirec, arrondissement de Lannion. Nous voyons à Dumay, 1756, 60 hommes, un commandant, 2 lieutenants. À Watt et Wédic, 80 hommes, avec un lieutenant-colonel, 2 capitaines, 2 lieutenants. À l'île aux Moines, la principale des 7 îles, 60 hommes avec un commandant. Chacune des garnisons a un chirurgien, qualifié chirurgien-major, ayant un traitement mensuel de 60 livres, environ 120 francs de notre monnaie. Je ne parlerai que des îles Glénans, voisines de Concarneau et à propos de Concarneau. Ce petit archipel qui, au XVIIIe siècle, dépendait administrativement de Concarneau, est aujourd'hui de la commune de Fouesnant. Au XVIIIe siècle, les relations des Glénans étaient comme aujourd'hui encore, surtout avec Concarneau. En temps de guerre, le petit archipel était occupé militairement, la garnison de Concarneau lui fournissait un détachement de 50 hommes et un commandant. Le détachement se partageait entre 2 des îles, Saint-Nicolas, une des plus grandes, et la Cigogne, la plus élevée. Une chaloupe était affecté au service entre les 2 postes. La petite garnison était relevée chaque 15aine. Tout ce qui lui était nécessaire venait de Concarneau. Ainsi les lits, qui suivant l'usage du temps, étaient à 3 places. Ainsi les vivres, la viande salée et le biscuit. Adjudicataire, le sieur Villemeur Billette. Le bois, la chandelle, même l'eau douce. Les vivres sont renouvelés tous les 15 jours. Il y a aux îles un munitentionnaire. Nul doute que la pêche sur le rivage ne fournisse un supplément de nourriture et ne dispense souvent d'abuser de la chair salée. Toutefois, le ministre de la Guerre estime que le détachement de l'île de la Cigogne ne peut subsister avec sa solde ordinaire, et il accorde un supplément de 1 sou par jour à chaque fusilier, 2 sous à chaque caporal, 4 sous au sergent. Voilà la Cigogne devenue une garnison de choix. Le service médical est assuré par un officier prenant le titre de chirurgien-major. Bien que la garnison soit relevée chaque quinzaine, elle a un aumônier agréé par l'évêque de Cornouailles et qui reçoit une rétribution calculée sur 800 livres par an. Les vases sacrés, ornements, linge d'autel et missels sont fournis libéralement par le curé de Fouesnant. La présence d'un aumônier aux îles Glénan n'est pas un privilège accordé à cette petite garnison. C'est une règle usuelle. De même, l'île Dumay, avec une garnison de 60 hommes, a son aumônier que les capucins du Croisic pourvoient des ornements nécessaires. Le détachement établi à l'île aux Moines, une des 7 îles, et composé de 60 hommes relevés chaque mois, avait été moins bien traité. On n'avait songé ni au chirurgien ni à l'aumônier. Le détachement porte ses doléances à l'intendant. Nous sommes dans une île déserte, tout nous manque, chirurgien et confesseur. Nous vivons en hérétique. Il est fait droit et très libéralement à leur demande. On leur envoie un chirurgien et le prêtre qui leur est adressé à une chapelle pourvue des ornements nécessaires au service divin. Ici se termine Essai sur l'histoire de Concarneau par Julien Trévédy, ancien président au tribunal de Quimper, vice-président de la Société archéologique du Finistère et de la Commission historique et archéologique de la Mayenne. Enregistré par Christiane Jehanne.